Agenda, page 23. Images. Concert donné dans le cadre des Beaux Dimanches du kiosque. Un technicien règle le son pendant qu'un groupe joue dans le kiosque à musique. Beaux Dimanches du kiosque. 13e édition pour les Beaux Dimanches du kiosque. Les dimanches 3, 10, 17 et 24 mai 2015 auront lieu sur les promenades de la Résistance 5 spectacles musicaux alliant rock, musette, etc. Cette programmation, assurée avec l'association La Verdine, permet chaque année à des artistes locaux, régionaux ou nationaux de se produire au kiosque à musique pour le plus grand bonheur du public, toujours au rendez-vous. Retrouvez plus d'informations sur le site internet ville.chateaugontier.fr ou auprès du service Action Culturelle au 02 43 09 55 97. Fête de la musique. Une fête de la musique éclectique et rythmée. Samedi 20 juin, les rues de Château-Gontier laisseront place aux musiciens ou chanteurs amateurs qui donneront de la voix le temps d'une soirée. La fête de la musique vous propose une programmation festive avec de nombreux concerts et animations musicales. Les commerçants tels que les bars, cafés et restaurants seront également de la partie en offrant des concerts et karaokés. Programme complet disponible sur le site internet de la ville, ville.chateaugontier.fr. Renseignements au 02 43 09 55 97. Chalibaude. La Chalibaude, le festival des arts de la rue. Image. Pendant la Chalibaude 2014, le public fait face à un artiste en pleine représentation. La ville de Château-Gontier-Bazouges vous invite à venir assister ou découvrir son festival annuel La Chalibaude. Entre comédie, théâtre, cirque, pour les petits comme pour les grands, ces arts mêlés sauront vous séduire le temps d'un week-end. Rendez-vous le samedi 27 et le dimanche 28 juin 2015 en centre-ville de Château-Gontier. Au programme, émerveillement et détente assurée. Informations sur le site www.chalibaude.fr à partir de la première semaine de mai. L'art dans les jardins. Monique Bretéché et Jacques Morin, propriétaires du garage, organisent tous les deux ans, en partenariat avec la ville de Château-Gontier, l'animation L'art dans les jardins. L'objectif est d'inviter de jeunes talents à exposer et prendre possession de jardins privés. La population peut ainsi déambuler le temps d'un week-end. Rendez-vous les samedis 2 et dimanche 3 mai 2015. Plus de renseignements sur www.garagedelagare.info. Fête des voisins. Le vendredi 29 mai, c'est la fête entre voisins. Comme chaque année, la traditionnelle fête des voisins s'organise sur la ville de Château-Gontier-Bazouges. L'occasion pour les habitants de rencontrer leurs nouveaux voisins et de partager un moment de convivialité. Et pour une bonne organisation, la municipalité soutient les organisateurs en leur fournissant le matériel nécessaire. Renseignements et réservations de matériel au service vie des quartiers au 02 43 09 55 47. Fête de l'Europe. Du 6 au 9 mai 2015, la Maison de l'Europe, en partenariat avec la ville de Château-Gontier-Bazouges, organise la Fête de l'Europe. Au programme, projection de films, concerts, dîners-spectacles, conférences. Un village sera également installé sur les promenades de la Résistance qui mettra à l'honneur les nationalités européennes, en présence notamment de nombreux ressortissants et d'associations telles que le comité de jumelage. Renseignements, Maison de l'Europe, téléphone 02 43 67 22 70.